chacun sa peine. J'ai confiance qu'en moi-même. J'ai confiance qu'en moi-même. J'arrive pas à t'oublier, j'pensais à toi toute la semaine. On connaît bien le domaine, regarde la vie qu'on mène. Y'a tout ce qu'il faut dans l'appart pour un rien gros, ça dégaine. J'ai peut-être fait ce qu'il fallait pas, mais j'allais pas faire ce que j'voulais pas. J'ai fait ce qu'il fallait pas, mais j'allais pas faire ce que j'voulais pas. Toi pour un rien, tu m'as blessé parce que tu sais qu'il y a trop d'écarts. T'inquiète, j'vais encaisser, j't'ai arrivé, c'était au départ. Ça voit son avenir dans la stup, malheureux passé dans la street. L'avenir dans la stup. Ici les règles sont strictes, les conséquences sont graves, mais t'oublies tout, t'as du chican. Faut rester propre, et gros faut pas chican. Frérot, ça rappe la vérité, tu ressens la sincérité. Si tu veux de la brutalité, on peut te montrer ses qualités. Y'a tout qui est de passage, au final tout est venu lassant. On est parti de 12 ans, j'en ai revenu en regard menaçant. Frérot, ça rappe la vérité, tu ressens la sincérité. Si tu veux de la brutalité, on peut te montrer ses qualités. On est parti tout ça, j'en ai retenu un regard menaçant. Moi je montre pas tout ce qui est précieux, je garde le bon comportement. Je suis plus pressé, je suis précis, il me faut 30 appartements. Quand je suis là on parle de tout, et quand je me barre ça parle de moi. Même si je ferme les yeux je vois tout, et là je vois que ça pense du mal. On a fait trop d'allers-retours, entre le stup et les choix. Entre le sud et les soirées, entre les Inès et les Sarah. Juste faut parler vrai, ou sinon faut plus parler. T'as vu les traits qui t'ont déjà collé pour cerner. J'kiffe la couleur de son vernis, et quand elle me caresse mon épaule, on fait du sale comme pas permis. Tu vas jamais me voir jouer un rôle. J'kiffe la couleur de son...